La COP21, c'est le rassemblement de 195 chefs d'État qui vont faire semblant, pour la 21e année consécutive, de tenter d'enrayer le réchauffement climatique, en étant sponsorisés par des entreprises qui sont elles-mêmes responsables de ce réchauffement climatique. Nous avons décidé ici d'organiser un convoi en vélo et tracteur qui partira le 21 novembre de Notre-Dame-des-Landes et qui se dirigera vers Paris. Pour une arrivée le 28 novembre, où nous convions un maximum de personnes à venir nous rejoindre lors d'un banquet aux portes de Paris. Nous viendrons dénoncer, lors de ce convoi, l'hypocrisie flagrante entre, d'une part, la volonté affichée en décembre par le gouvernement de lutter contre le réchauffement climatique, et d'autre part, la menace de revenir quelques semaines plus tard pour expulser la ZAD, détruire plus de 1600 hectares de terres agricoles et de zones humides, des dizaines d'habitats, pour y construire un nouvel aéroport. Nous cheminerons depuis Notre-Dame-des-Landes avec toute l'énergie du mouvement anti-aéroport en créant sur la route des espaces de rencontre et de mobilisation. Comme de nombreux habitants, paysans, migrants d'autres parties du monde, qui subissent déjà de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique, nous savons que notre salut ne viendra pas des échanges de marché carbone entre lobby industriel et gouvernement, et certainement pas non plus du capitalisme vert. Nous voulons participer à une reprise en main par les populations et mouvements en lutte de l'avenir de la planète. Donc, on l'a déjà dit, il s'agit d'un convoi qui va être commun à différentes composantes du mouvement anti-aéroport. Vous avez peut-être vu déjà la liste d'organisations qui soutiennent. Bon, donc ce convoi, on l'a dit, il sera marqué par des discussions, des échanges, des repas solidaires avec participants et des personnes, des accueillants, et on fera aussi, bien sûr, action de communication au fil du chemin. Et sur ce convoi, le principe est que toutes les actions soient discutées en amont et qu'elles puissent être portées par l'ensemble des composantes présentes. Avec un engagement collectif, ça c'est un peu une première, des participants à mettre en œuvre les actions de manière commune et à les gérer de manière commune. Donc discussion, on les discute avant, on les mène, on les gère. Et ceci passera par le respect des personnes et l'absence de dégradation. Il est temps de sortir enfin du productivisme industriel, de la privatisation des biens communs et de la destruction des terres nourricières et la marchandisation du vivant. Pour qu'émergent des possibles, à Notre-Dame comme ailleurs, il s'agit de bloquer concrètement dès maintenant l'avancée de leurs projets nuisibles, imposés et climaticides. Il faut continuer à libérer des espaces où puissent s'inventer ici et maintenant d'autres formes de vie commune, de culture et des habitats tels qu'ils expérimentent aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes. Malgré les pressions politiques, juridiques, les pseudo-enquêtes publiques et les troupes militaires, policières, nous portons depuis plus de 40 ans la conviction qu'il est toujours possible de résister victorieusement face aux aménageurs. Nous marcherons sur la COP21 pour leur signifier que nous ne laisserons pas revenir expulser la ZAD ni démarrer les travaux du chantier de l'aéroport. Nous le ferons en solidarité avec tous celles et ceux qui luttent aussi sur le terrain contre les causes du réchauffement climatique partout sur le monde entier. Voilà. Et maintenant, on peut répondre à vos questions si vous voulez. Mais si vous voulez poser des questions, si il y a ce jour, le convoi est formé de comment il se constitue? Pour l'instant, il y a un peu plus d'une centaine de personnes qui se sont inscrites pour participer au... On a dépassé les 200, bon d'accord. On a dépassé les 200 personnes qui viennent participer au convoi. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés pour venir. Et aussi, on voudrait dire que c'est possible de, on appelle aussi à venir le premier jour pour le départ, même si les personnes ne peuvent pas venir participer à l'entièreté du convoi. Bah c'est vraiment, ça fait un moment convivial de se retrouver à Notre-Dame pour le départ, pour un café, et puis pour soutenir les personnes qui vont partir faire du vélo. Voilà, c'est aussi possible de nous rejoindre pendant le convoi sur les différentes étapes, que ce soit pour les différentes rencontres qui auront lieu. Là, il y aura des débats, des projections, des discussions, que ce soit sur cette lutte ici à Notre-Dame-des-Landes, mais aussi sur d'autres luttes partout dans le monde ou sur les luttes des différents comités qui peuvent nous accueillir le long du chemin. Donc voilà, on invite vraiment fortement les personnes qui seront proches à venir nous rejoindre à ces moments-là. Et aussi pour donc il y aura une convergence des différents convois, parce qu'il y a d'autres convois qui partent de d'autres endroits en lutte. Donc il y a un convoi qui part de l'Est, avec des personnes qui viennent du quartier des Lentillères à Dijon, des personnes qui viennent de Bure, là où il y a une lutte contre le nucléaire. Il y a des personnes qui viennent de Fort-Calquier, d'autres qui viennent d'Agen. Donc il y aura une convergence de toutes ces marches ou tous ces convois à Saclay, qui est aussi un endroit où il y a un projet de Technopole. Donc c'est aussi un endroit qui est en lutte. Et donc on voudrait, par notre arrivée, tout simplement visibiliser cette lutte là-bas, voilà, pour la soutenir. Et donc à partir de cet endroit, de Saclay, il y aura une marche qui ira aux portes de Paris. Et là, il y aura un grand banquet. Voilà, pour que un maximum de personnes puissent nous rejoindre. Donc ce sera un banquet ouvert à tous, convivial, populaire, voilà, pour ensemble fêter notre arrivée. Est-ce que le convoi rejoindra d'autres manifestations organisées dans le cadre de la COP21? Oui, alors le convoi de Notre-Dame aux portes de Paris, il est commun donc à différentes composantes du mouvement anti-aéroport, et il veut porter justement notre revendication Notre-Dame-des-Landes à l'occasion de la COP. Mais ensuite, donc ça c'est la partie qui est à nous, si vous voulez, de Notre-Dame-des-Landes. Mais ensuite, effectivement, on converge, comme ça vous a été expliqué, donc on converge avec d'autres luttes. Et pour ce qui est des deux semaines de la COP, certains resteront sur place, d'autres reviendront. Mais pour ce qui est des deux semaines de la COP, eh bien, différentes composantes, différentes personnes pourront rejoindre tel ou tel espace de mobilisation, telle ou telle manifestation, donc pendant la COP. Je ne sais pas si ça répond à la question. Nous, notre convoi, en tout cas, notre histoire commune, notre convoi, il s'arrêtera donc aux portes de Paris pour le grand banquet. Voilà, nous, ça s'arrête là. Après, chacun fait... Voilà, notre convoi spécifique Notre-Dame-des-Landes. Mais sachant que, bon, si on n'est pas étroitement Notre-Dame-des-Landes, si on va vers la COP, d'ailleurs, on vous l'a dit et on vous l'a écrit dans les textes, on est bien à parler du réchauffement climatique, et on est bien à dénoncer l'hypocrisie qui concerne Notre-Dame-des-Landes, mais pas que. D'un point de vue très concret, il y a une partie des azistes qui va se rendre sur Paris. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une action des forces de l'ordre pendant l'absence d'une partie des personnes mobilisées ici sur place, éventuellement qu'on profite de ce déplacement à Paris pour déloger les personnes ici sur la ZAD? Non. On est plutôt confiant sur le fait qu'il y a aussi des gens qui vont, il y a des gens qui vont être ici, et puis de toute façon on a des soutiens un peu partout, donc voilà, je sais pas, on peut pas faire des prédictions sur les possibles attaques du gouvernement. Ce serait peut-être pas très malin de le faire de leur part pendant la COP21. Et en plus, voilà, il y a toujours des gens qui restent et des gens qui restent mobilisés, donc on n'a pas vraiment peur là-dessus, non. C'est pas toute la population qui va partir en convoi. Hein. C'est bien la population et les comités de soutien au-delà de Notre-Dame-des-Landes qui réagiraient en cas de... Ceci étant, il y a 30 000 flics et forces diverses de l'ordre ou du désordre, comme chacun veut, donc qui sont mobilisés pour la COP. Et ils auraient peut-être du mal à faire face à la fois à ce qui va se passer à Paris et à une attaque sur la zone qui déclencherait un grand nombre de réactions sur tout le territoire français. Ça, je suis pas sûre que le gouvernement l'ait mesuré, mais des réactions, il y en aura ou il y en aurait partout. Et ça, ils vont déjà être bien occupés, effectivement, sur la protection des chefs d'État pendant la COP, sur la sécurisation du site, et etc. Non, on n'y croit pas vraiment, qu'ils profitent de la COP. Et je pense que de leur part, ce serait quand même une erreur politique. Vous avez parlé longuement de l'arrivée à Paris, mais le départ, c'est Notre-Dame-des-Landes, mais c'est où et à quelle heure? Le départ, c'est à la vacherie le samedi matin, le 21. On invite tout le monde à venir partager un petit déjeuner à 8h30 et jusqu'à environ les 10h, où on fait encore un petit point de presse avant le départ. Et après, on part joyeusement avec tout le monde qui veut participer à la première étape ou qui vient avec jusqu'à Paris pour porter notre message. Il y a combien de tracteurs dans le convoi? Je pense pour l'instant il y en a 5 ou 6 en soutien pour la logistique, pour porter tout le matériel, l'infrastructure, la cuisine, tout le matériel en effet. Mais là, c'est pareil. Il s'agit des tracteurs qui vont faire toute la route, y compris avec une rotation des tractoristes, parce que c'est pas tous qui feront, c'est pas forcément tout le monde qui feront la totalité du convoi. Et pour les participants, c'est pareil. On est très largement au-dessus de 100 là pour des gens qui se sont inscrits à la totalité du convoi. Mais il y a des gens qui viendront en cours de route et pour les tracteurs, probablement, ce sera la même chose. D'autant plus que la Confédération paysanne appelle à rejoindre le convoi. Donc ça, on n'a pas de retour très précis de combien viendront, mais des tracteurs, oui, on en aura. Une question qui peut vous paraître naïve, mais pourquoi vous masquez le visage ? Parce que quelque part, on ne veut pas représenter une personne. On représente un message qu'on porte pour la plupart des gens ensemble et qu'on a formulé ensemble. Aussi du fait qu'on est dans une lutte contestataire à des forces de l'ordre qui aiment bien exploiter l'image et où tu vas, qui tu es et des trucs comme ça. Et après, des fois, c'est aussi... Allez, je sais pas. Moi, c'est plutôt ça. C'est pour porter le message que c'est le message plus important que le messager. Et le fait de te faire moins exploiter que... C'est pas vraiment pour cacher. C'est plutôt pour donner un peu plus d'ampleur à un message qu'au messager. Je suppose que ça n'a pas dû vous échapper, mais il y a des notes, des renseignements qui disent que la COP21... Il risque d'y avoir des constitutions de black bloc sur le terrain là-bas à Paris. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est surtout que la COP21, ça permet une répression énorme. Comme là, du contrôle aux frontières, il y a l'espace Schengen qui vient d'être fermé. C'est quand même un bon prétexte pour, encore une fois, éviter que des gens puissent passer les frontières. Ça va être plein de flics partout dans Paris, donc ça va être beaucoup de répression. Des contrôles aux faciès, comme d'habitude. C'est malheureusement ça, surtout qu'on voit, c'est cette répression qui est grandissante, où il y a des gens qui sont accusés de participer à des luttes sociales. En fait, on est dans des luttes sociales, on essaye de se battre pour des causes en lesquelles on croit et pas... Et malheureusement, c'est exploité par l'État et par la police. C'est le constat malheureux qu'on peut faire. Et vous, oui. Est-ce que vous condamnez l'action des Black Blocs? Moi, je voudrais. Oui. Attends, est-ce que je peux compléter? C'est pas pour évacuer votre question, on pourra la reprendre. Moi, je voudrais dire par rapport à cette question d'être masqué ou pas. Bon, moi, il se trouve que je partage les inquiétudes des camarades qui sont ici par rapport à un fichage grandissant, par rapport à éventuellement un vedettariat que pourraient envisager certaines personnes. Bon, c'est pas trop le cas ici, mais bon. Donc, mais moi, il se trouve que j'ai toujours milité, comme on dit, et puisque je me réclame de la non-violence aussi, je l'ai toujours fait à visage découvert et à main nue. Ceci étant, je comprends les copains et je ne refuse pas du tout d'être côte à côte avec eux dans une conférence de presse. Donc je ne sais pas si ça, si ça répond un petit peu à votre question. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est par rapport à cette histoire de Black Bloc, etc. Il se trouve que je suis allée avec des amis, et puis sur, par rapport à la répression, il se trouve que je suis allée avec des amis au rassemblement de Pont de Buis qui était entre le 23 et le 25 octobre. Ce rassemblement, un an après la mort de Rémi Fraisse, hein, d'une grenade tirée dans le dos quand même, par les forces dites de l'ordre. Bon, ce rassemblement, il avait clairement comme objectif de dénoncer les armes de la police. Parce qu'évidemment, il y a ceux qui tirent, mais il y a une responsabilité d'État énorme. C'est l'État qui décide des armes qu'il donne à sa police. Hein. Et donc, il ne s'agit pas simplement de se limiter à « oh, on a des vilains méchants en face », il s'agit de dire « c'est l'État qui arme ». La police mutile, la police assassine et la justice couvre. Voilà ce qu'on est venu dire à Pont de Buis. Et on a eu des relations ahurissantes de journalistes qui n'y avaient pas mis les pieds et qui ont dit les Black Blocs ont fait leur petit week-end d'entraînement à Pont de Buis pour la COP. Alors d'abord, hein, franchement, ça, je reprends ce qu'on dit, les blessés, mais franchement, hein, la guérilla urbaine, ça ne s'apprend pas dans les champs au fond du Finistère. Là, je suis désolée, mais au niveau efficacité, là, c'est loupé. Première chose. Deuxième chose, il y a eu une désinformation monstrueuse avec des articles qui citaient des propos de personnes courageusement anonymes, proches du Premier ministre, et qui disait « les Black Blocs déferlent sur Pont de Buis parce qu'après, ils vont déperler sur la COP à Paris ». Et ça, franchement, c'est absolument révoltant. Avec des images censées attiser la peur, attiser la haine, enfin, c'est Paris Match, quoi. Le sensationnalisme, le poids des mots, le choc des photos, voilà ce qu'on a eu comme information à Pont de Buis. Eh ben moi, du haut de mes 68 ans de vieille grand-mère, j'atteste que c'est pas ça qui s'est passé et que c'était pas l'intention. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, en tout cas en partie, mais la question est de savoir, est-ce que quand ça dérape, parce que ça dérape parfois, ça c'est pas une invention des médias, parfois ça dérape, est-ce que vous condamnez cela, oui ou non? Mais en fait, ce qu'on condamne, et moi je voudrais bien qu'on le comprenne, c'est la violence que tous les jours on se prend dans la gueule, parce qu'on est arabe, parce qu'on est une femme, parce qu'on est un enfant, parce que on n'a pas l'éducation qui permet de bien parler, parce que on est trop pauvre. Et en fait, moi, c'est ça que je voudrais condamner comme violence, parce que c'est ça la violence aujourd'hui. Et c'est pas trois personnes soi-disant masquées qui vont jeter des cailloux contre une banque qui sont responsables du réchauffement climatique, de tous les problèmes de l'effondrement de ce monde. Qui est vraiment une catastrophe. Enfin, je suis désolée, mais en fait, moi, la violence, c'est tous ces réfugiés qui doivent quitter leur pays parce que chez eux, il n'y a plus rien, parce qu'on a tout pris. Et c'est ça, la vraie violence. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, ouais. Bah, moi, je dénonce rien du tout. Ah, je dénonce pas et je suis mon camarade en disant quand tu te trouves face à un ennemi avec tous ces moyens de criminaliser certaines oppositions et moyens de stratégie tactique, je sais pas, moi je trouve normal qu'à un moment donné il y a des gens qui vont s'adapter à stratégie commune et qui vont porter un message ensemble, et ça peut être sous forme de black bloc, sous forme d'anonymous, sous forme de il y a eu plein d'actions dans le passé où il y avait des gens assis qui ont le visage caché, mais ça peut être sous des masques amusants, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas à dénoncer. Moi, comme elle dit, si tu as des États et des systèmes qui font une oppression vis-à-vis des gens qui n'ont pas les moyens de résister ou qui... c'est normal qu'ils vont s'approprier des stratégies un peu plus adaptées à rester là. Donc moi, je peux pas dénoncer les gens qui ont le courage, même si c'est anonyme ou derrière un masque, qui prend le courage de prendre les choses en main. Même même si c'est des bancs qui se cassent, je sais pas quoi. Peut-être pas tout le monde est d'accord, mais quelque part il faut regarder le message. C'est toujours quelque part des jeunes qui ont la haine ou qui aperçoivent les banques, les commerces comme des trucs qu'ils peuvent pas atteindre. Donc c'est normal qu'ils vont vouloir la détruire parce qu'il est face à eux, mais ils ont aucun accès, ils ont rien du tout. Donc ils sont plutôt, ouais, je sais pas, mais je vais pas dénoncer quoi que ce soit, parce que pour moi c'est pas un acte violent, c'est un acte surtout plutôt révolutionnaire. Et au final, est-ce que vous souhaitez que la COP21 débouche sur un accord international? Je pense que là-dedans on est différent de... Sur la condamnation de la violence, parce que moi, c'est toujours un peu les mêmes questions. Alors quand on a l'occasion d'y répondre calmement... C'est pas les mêmes journalistes aussi, c'est pour ça. Comment? C'est pas toujours les mêmes journalistes aussi. Non, mais absolument. Mais quand on a l'occasion d'y répondre calmement, je pense que c'est une excellente chose. Bon, c'est vrai qu'on a des approches, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même histoire politique, militante, etc. Bon, ce que je veux dire, c'est que la violence d'État, la violence économique du système, je ne vais pas refaire toute la liste des migrants, des sans-papiers, des gens dans des situations déplorables, etc. La violence du système, elle est première, c'est-à-dire qu'elle précède, et elle est principale. Et principale sans aucune proportion entre la force, la manière dont les gens sont opprimés, oppressés, etc., et des réactions qu'il peut y avoir. Enfin, quand je pense à ce qui a été dit pour deux chemises arrachées à Air France, et les 2900 licenciements qui sont une violence inouïe et qui passent à la trappe, je me dis, bon, ça va pas. Donc, je résume, violence d'État, première et principale. Bon, après, on est dans des situations où on est obligé de se révolter contre l'injustice. On n'a pas le choix. Il y a des choses qui sont inacceptables. Comment on le fait après ? Je vous ai dit, ça peut dépendre de la situation, des histoires personnelles, etc. Bon, moi, je ne condamne pas, je ne condamnerai jamais en réponse à un micro que je condamne la violence. Et pourtant, je me réfère à la non-violence. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait d'abord définir ce que ça veut dire, la violence. Moi, je suis sur la base du respect absolu de l'intégrité physique et psychologique des personnes. Les biens, c'est tout à fait autre chose. Et si, à un moment donné, on fait des tranchées dans la route, ou si on fait des actes de résistance, vous ne me les ferez pas condamner. Hein. Et j'y participerai à la limite de mes forces de vieille dame. Bon, donc, je refuse absolument la condamnation de la violence d'une manière totalement intellectuelle et pour faire plaisir à qui que ce soit. Moi, je suis dans une lutte, j'y mets mes forces, j'y mets mes moyens, j'y mets toute la solidarité, toute la force et toute l'intelligence collective du mouvement, et point barre. Je remets ma question sur le tapis. Alors, oui. Au final, souhaitez-vous qu'il y ait un accord international à la COP21? Qui c'est qui commence? Moi, je souhaite surtout qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent participer au convoi. Voilà. Nous, on n'est pas forcément d'accord sur ce qu'on attend entre tous les participants, j'imagine, à ce qu'on voit. On n'est pas forcément d'accord sur ce qu'on attend ou pas de la COP21. Je crois qu'on peut dire que du côté des opposants, enfin du côté des, par exemple des occupants de la zone à défendre, on n'attend pas grand-chose d'une supercherie comme celle de la COP21. Voilà, on a déjà eu un peu l'exemple de ce que ça pouvait donner les années précédentes. Et ce que nous on met en avant, c'est plutôt que on n'attend pas de quelques dirigeants, d'une poignée de dirigeants qui décident pour le monde entier. De ce qui est bien ou pas bien, en fait, ce qu'on veut et ce qu'on essaye de faire, en tout cas ici, sur la ZAD, c'est de reprendre en main nos vies, de se donner les moyens d'avoir une autonomie, d'arriver à une autonomie, que ce soit alimentaire, du soin, que ce soit voilà, de la communication, enfin de la manière dont on communique entre nous, sur plein de, à plein de niveaux différents. C'est plutôt ça qu'on a envie d'attendre. Du monde entier. Croyez-vous que la question de la ZAD, c'est plus important que la question de la montée des eaux au niveau de la planète? Ben, en fait, la question de la ZAD, ou la ZAD, c'est peut-être une réponse possible à la montée des eaux. Je ne pense pas que ça va changer le cours de l'existence parce que voilà, ce n'est pas nous les responsables. Les responsables de la montée des eaux, c'est les entreprises qui dégagent du CO2 et l'espèce de. D'ignominie aujourd'hui planétaire de ce que c'est l'industrie de la viande, l'industrie du textile, toutes les industries qui polluent énormément, qui ne servent, enfin voilà, pour la plupart du temps, qui servent à rien, quoi, parce que il y a aussi énormément, c'est tout ça est malheureusement lié à une forme de rentabilité, enfin des volontés de rentabilité, et voilà, nous on n'est pas du tout là-dedans, on est dans un retour à peut-être à des formes plus simples de vie où on est en accord avec nos besoins, on produit, on essaie de produire par exemple ce dont on a besoin et pas on surproduit pas pour que tout ça termine dans des poubelles que ce soit consommé par personne. Et je pense aussi du fait que cette COP21, de tous les États qui viennent, ils sont sponsorisés et partenariat avec les plus grosses entreprises qui, en effet, sont la cause de pourquoi on lutte, comme Total, Vinci, EDF. Et c'est eux qui viennent proposer des solutions que, en théorie, c'est les mêmes solutions, soi-disant, qu'ils mettent en œuvre depuis des années. Et qu'on sait que c'est juste une couche verte sur de la merde. Ouais, c'est une couche verte sur une couche brune. Et moi, je comprends pas, c'est avec toutes ces données et aussi le fait de depuis 21 ans, chaque année, ils font cette sorte de conférence et ça a été prouvé que aucune décision prise dans toutes ces conférences a été atténuée et a même violemment, exponentiellement améliorée pour pour s'enfoncer encore plus. Je sais pas parce que c'est un peu dur à dire, mais juste le fait que par exemple Vinci, c'est un des gros partenariats et nous on combat Vinci qui veut s'imposer à un grand aéroport, soi-disant le premier aéroport écologique qui n'a rien à voir. Quand tu déplaces des animaux d'un parti à l'autre, c'est pas de l'écologie, c'est de l'aménagement du territoire. Et Et sur longue durée, on sait que ces animaux, même si ces animaux, ils vont disparaître parce que tout va être bétonné autour de l'aéroport. Et moi, nous, voilà, moi je peux pas croire que quoi que ce soit qui se passe ou qui décide, que ça va améliorer nos vies communes et surtout les vies de tous les gens qui souffrent chaque jour par ces mêmes personnes qui nous proposent des solutions. Qui pillent des peuples complets, qui arrachent la terre de ce qu'on respire, de ce qu'on mange. Et, ouais, moi, si j'y vais, c'est pour le banquet et c'est pour parler à des gens et pour leur insister que le changement climatique va passer par un changement social d'abord et pas par quelques décisions prises par des gens qui ne cessent qu'à remplir leurs poches. C'est... Qu'en pense Mme Coiffeur dans les réseaux associatifs de la COP21? Est-ce que les réseaux associatifs en pensent? Alors, là aussi, il y a des nuances, mais on sait déjà, première chose, on sait déjà un certain nombre d'éléments sur le texte qui va être proposé dans la quinzaine. En particulier, et ça c'est tout récent, il va même plus y avoir de référence aux 2 degrés, à la limitation à 2 degrés dans le document final. Ça va au mieux passer dans les annexes. C'est-à-dire que, et c'est tout frais là, ça vient de sortir ça. Donc, on sait aussi, déjà depuis le temps que ça tracte et que ça discute, on sait aussi que les engagements des pays, enfin les propositions d'engagement, et encore faudrait mettre des guillemets, des pays, sont très loin de permettre le maintien d'un réchauffement en dessous de 2 degrés. Bon, ça, c'est des éléments qu'on a déjà. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espoir à avoir dans cette affaire-là. Ceci étant, c'est quand même pas tout à fait indifférent, parce qu'il y a le feu au lac, c'est quand même pas tout à fait indifférent que on soit dans des hypothèses d'émissions qui nous emmènent à 2,7 degrés, 3 degrés, 3,5 degrés, etc. C'est pas tout à fait indifférent parce qu'il y a vraiment le feu au lac, hein, et que les victimes, elles sont déjà là et que ça va se développer. On va avoir des gens dont les terres vont être complètement inondées, etc. Donc, si c'est pas trop en dessous, ce sera peut-être moins mal que si c'était pire, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire, hein. Et ce qu'on peut par contre espérer de cette COP, c'est que ce soit le début d'un véritable mouvement pour la justice climatique, parce que ce mouvement pour l'instant il n'existe pas. Mais avec tout ce qui est préparé de différentes manières, dans différents réseaux, etc., parce qu'il y a quand même une très grande variété, on peut espérer qu'il y ait une avancée dans la prise de conscience. Mais ceci étant, alors moi après, mais là je le dis à titre personnel, hein, puisque Julien m'interrogeait un petit peu sur ce que disent les mouvements, mais moi ce que je peux dire à titre personnel, effectivement, c'est que les entreprises polluantes, eh bien, elles sont la cause, elles sont pas la solution. Hein, les avoir mis en avant à sponsoriser la COP, c'est quelque chose qui est proprement hallucinant. Et il n'y aura pas de véritable modification, de véritable possibilité de freinage du réchauffement climatique dans le cadre du système actuel. Là, je suis d'accord avec les copains. Je ne sais pas si j'ai répondu ou si vous voulez... Bon, alors après, il y en a qui espèrent, on peut toujours espérer, il y en a qui sont plus lucides, de mon point de vue, mais bon. Ah oui, est-ce que oui, il y avait une chose que je voulais dire aussi par rapport à la répression tout à l'heure et, ça, et la militarisation, etc. Bon, mais on en parlera une autre occasion. Mais donc je suis allée à Turin devant le tribunal permanent des peuples là ce week-end. Là, j'étais absente 8 jours et le tribunal permanent des peuples donc condamne et demande au gouvernement italien explicitement de cesser la répression et la militarisation de la zone en Val de Sauce. Ça, et ça peut aussi avoir de l'importance pour nous, ça c'est pas tout à fait anodin. J'ai une dernière question pour Geneviève, parce qu'elle a insisté sur le fait que, et je comprends, elle a dit pour la première fois, toutes les actions seront discutées en amont par l'ensemble des composantes, menées par l'ensemble des composantes et gérer ensemble. Oui. En quoi c'est nouveau ça? Bah, c'est-à-dire qu'il y a des fois où on s'est un petit peu laissé un petit peu pêcher par manque d'anticipation sur un certain nombre de choses. Et comme on veut vraiment que ce convoi soit un succès, qu'on veut aller ensemble jusqu'au bout à Paris, donc on a décidé effectivement d'essayer de prendre les moyens que ça se passe bien ensemble. Si vous voulez rajouter des choses là-dessus. Geneviève, une dernière petite question. Est-ce qu'on peut parler du car qui monte à... Ah oui, ben justement, oui, oui. Tu donnes des infos, il y a... Alors, donc, effectivement, donc on va accumuler des personnes et des tracteurs et des vélos en cours de route ou simplement pour un petit passage. Mais on a aussi, donc... des inscriptions ouvertes pour car qui viendraient nous rejoindre à Paris pour la dernière étape. Hein, que la dernière étape, on la fera sans doute avec les vélos au pied et autrement des personnes venues en car et qui seront à pied. Et donc, alors, les inscriptions sont à faire... Ben, vas-y, Agnès, dis-moi. Auprès de la CIPA. Moi, auprès de la CIPA. C'est la CIPA qui gère les cars, donc. C'est pour la coordination. Et donc, c'est dans les lettres d'info. J'imagine que tout le monde reçoit les lettres d'info qui sont là. Voilà. Et donc, départ, ça serait... Départ vers 4h du matin de Notre-Dame, probablement, et arrivé vers 4h05-09. Et puis, retour à partir de 18h. Ouais, ce sera une chaude journée. Tu peux redire la date? Tu peux redire la date? Pardon, tu peux redire la date? La date, samedi 28. Donc samedi 28 novembre, il y aura un car qui partira donc, de Notre-Dame à, vers 4h du matin. Et les demandes sont à faire auprès de la CIPA. Voilà. Et il y aura plein d'événements au-delà de, ou après le convoi qui auront lieu pendant cette COP. Voilà. Il y a d'autres questions? De 100 participants, donc... On a dépassé les 200 hier ou avant-hier. Oui. Ben, on les accepte encore, mais on ne garantit pas comme le retour, le fait d'avoir du couchage ou l'hébergement sur la route. En tout cas, on a très largement dépassé, on doit pas être pas loin des 150 maintenant, de gens qui se sont inscrits à la totale. Ouais, total. Total. Ce qui est quand même un sacré succès. Voilà. Mais en tout cas, nous, on peut pas forcément garantir du couchage là maintenant parce que c'était une logistique assez énorme de devoir trouver surtout le couchage en fait, parce que bon, vu qu'on est en novembre, c'est pas évident, mais en tout cas, c'est toujours possible, évidemment, que les personnes nous rejoignent sur le convoi et si elles ont les moyens, elles, de dormir à certains endroits parce qu'elles ont des connaissances là-bas, c'est toujours possible de nous rejoindre pour une ou deux étapes ou au moment des rencontres le soir. Donc voilà, il y aura des discussions, des débats, des projections. Mais à chaque étape, il y a beaucoup de volonté des comités locaux contre l'aéroport. De gérer et de chercher à héberger le plus de monde et d'avoir des salles pour faire notre débat et pour présenter nos informations. Comment était le temps fort pendant la montée vers Paris? Est-ce qu'il y a vraiment des temps très forts qui sont annoncés, qui sont prévus? Bon, c'est surtout tous les soirs, il y aura des rencontres, soit avec des débats, comme j'ai dit, des discussions, soit organisées par les comités qui nous reçoivent, qui choisiront le thème de leur discussion, ou soit on va parler de la lutte ici ou d'autres luttes ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment des espaces conviviaux, rejoignables tous les soirs après les deux étapes, enfin l'étape de la journée. On a à peu près tout dit, là, je crois. Je vais te redonner. Je veux bien voir tous les journalistes. On ne demande pas qui ils sont. Si, on peut. Mais...